ville endormie, le vent frissonne. À tous mes souvenirs, je m'abandonne. Pour me parler de toi dans la nuit brune, je n'ai plus qu'une amie et c'est la lune. Oh luna rosa, reine des nuits, du haut des cieux, toi qui me souviens, veux-tu porter cette mélodie à celui que j'adore? Puisque toi seul en as le pouvoir, Luna Rossa, je voudrais savoir si son amour m'est resté ce soir toujours aussi fidèle. Luna Rossa, m'est-il encore sincère? Luna Rossa, ne mens pas, tant pis pour moi si je dois en pleurer. On m'a déjà menti tant de fois, on m'a déjà volé tant de joie. Oh Luna Rossa, je ne veux pas qu'à ton tour tu me trompes. Tu as connu toutes nos folies et tu savais qu'on sonnait minuit te couvrir d'un nuage. Oh Luna Rossa, les soirs d'été, tu nous guidais parmi les sentiers où nos deux ombres semblaient flâner, ne formant qu'une image. Luna Rossa, tu sais combien je l'aime. Luna Rossa, promets-moi que loin de moi tu la protégeras. Et quand bientôt il me reviendra, Luna Rossa, nous prierons tout bas, car tous les deux nous croyons en toi autant qu'en la Madone. Luna Rossa, Luna.